Salut, salut, salut! Comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, un Lost in Space un peu particulier ce soir, plutôt calme, vous allez voir. Mais avant d'attaquer, je tiens à vous signaler un événement de grande ampleur ce mardi pour l'Halloween au Jolly Rogers à Hyères. Il y aura, en compagnie de nos gloires locales, les Benders, il y aura donc Peter Black des Hardons qui viendra défendre son tout nouvel album. Et franchement, les Hardons, c'était un extraordinaire groupe de punk rock australien. Je vous invite, si vous n'avez rien de mieux à faire, à vous rendre de toute urgence, enfin, ça sera le mardi, hein, de toute urgence, non, vous avez encore 2 jours, mais à vous rendre le mardi soir au Jolly Rogers. Allez, avec Peter Black et les Benders. Allez, c'est parti. Lengthened on the ground, sun and the east and the south and the north and the west. And it's only when I finally came to rest did I realize I had no legs. So I picked up again and ran and ran. And everywhere I ran I did proclaim, I'm no cripple, I'm not lame. No, I'm just looking for my legs. I'm just looking for my legs. Through Christendom and Araby and all through higher heathenry, up the shale and down the scree, wondering where those legs could be. And in the gallery so vast, ambassadors were breaking fast. And when I asked, they looked aghast. We're just looking for our legs. And in the balcony so high, men of avarice rushing by. And when I asked, they gave a sigh. We're just looking for our legs. And in the dining hall so long, the shackled harper sang her song. And the stone-eared feasters sang along. They sang, we're all looking for our legs. So I picked up again and ran and ran. City in the north, I came to the foot of the high low stair. Something gave a twinkle in my eye, and there stood a sage in the frosty air. And to the sage I did proclaim, look, I'm no cripple, I'm not lame. No, I'm just looking for my legs. Tell me, brother, have you seen my legs? Then the sage gave a wink, as a sage should do. And just as he began to freeze, he said these words, and I'll tell you true. Forget your legs and find your knees. So I bent to the task and took to the air, up and down the high low stair, cross the chasm, cross the schism, like a moonbeam through a prism. Time to live as the unyoked oxen turn. Time to turn.

Oh, I kept explaining that

Malcolm McLaren est le manager des Sex Pistols, catalyseur culturel, impresario punk et escroc autoproclamé. Il a été interviewé à New York en l'été 1989. À cette époque, il vivait avec Lorraine Hutton et suivait une psychothérapie. Il a toujours une bonne raison de se plaindre et commence donc par parler de sa famille et plus particulièrement de sa relation avec son frère, Stewart Edwards. Bye, bye, bye, feel love. What a great, normal dans le shaker. D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaf, quelques moineaux et Joséphine Baker. Last night was made. Mais des trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la réside d'un bar sur un genou couvert. Oh, babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. De javanaise, close to my heart. La tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, la paix de Macadam, décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam, au canal. Are you? Arletty. Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arletty, sans doute la seule femme. This crowded desert. Qui pouvait lui dire Paris, Palau. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un genou qu'on croise. Sing away, Kathy. Sing away. Paris. Paris. No, I can't. We will never part. These feelings. Ce pourrait pour finir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris. Paris. Paris dans son âme. Saupoudré pour finir. C'est de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris, Paris, perdrait de son âme. Paris. Paris, Paris. Paris, Paris perdrait son âme. C'est vraiment bizarre, on n'arrête pas d'y penser. On finit par passer un temps fou à essayer de tout assembler. Ça tracasse et on commence à reconstituer le lien entre la personne que l'on est et ce qui motive nos actions. Tout ça m'a en quelque sorte conduit à me concentrer sur mes propres problèmes. C'est quelque chose que je n'avais jamais pris la peine de faire auparavant. En gros, j'ai essayé de grandir. Seeing those short hairs so close and smelling the stale odor of scent and sweat. Yeah, I was overcome with desire for it. And reaching out with my hands, I grabbed her sweet ass. I always get a kick out of Paris. I grabbed her cute ass so close and sank my desperate mouth at the heavy, oily sex. Why don't they try a little harder back home? Why don't they? It all seems so brighter here on the Rue Pigalle. Bond, James Bond, that's what they call me. Because I'm a cosse. Vive la cosse, they say. I always think more dirty when I walk these streets. All I want to do is think blue. yeah, shocking blue. I pass old hotels with sexy curtains. Life and love and death gone by a thousand times. Why should I try and change anything? I will get a kick out of Paris. Let it roll, let it roll. Who is she? Where's the man who saw the man who saw the man who saw the girl? I'm going crazy. Paris does that to you. Blue, the only color of sex. The only color of my shirt and jacket. The only color on the Rue Saint-Jacques. She felt the seed stir at the pit of her belly in response to my strong, tonguing movements. I can't get enough of I'm doing that stuff. Satin, chiffon, silk and cotton. Just underwear. Mon Dieu Seigneur. Plain and simple. Who is she? Where are the gods to listen to? Where are the gods to tell you what to do? Think blue, shocking blue, the only color of sex. My huge hands grasp you at your hips, and your blonde hair formed a pool on the dark wood between my feet, and I raised you to doting love. And then I let it subside, yeah, in a soft corrosion. But I always get a kick out of Paris. Mon Dieu Seigneur. Let it roll, let it roll. I can't get enough. But I'm doing that stuff. Who is she? And where's the man? Where's the man? Who saw the man? Who saw the man? Who saw the girl? I'm going crazy. Where in the world can you find such dreams? Nowhere it seems, except Paris. Yeah. I always get a kick out of Paris. And then again, I'm not sure. But it's better than yesterday. And tomorrow's another day. And I want to live yesterday tomorrow. Je pense que mon frère a dû être assez malheureux parce qu'en gros, j'étais un gamin élevé par une grand-mère dans un environnement dont il était exclu. J'étais protégé. À certains égards, on me gâtait et on l'affamait. S'il avait pu voir les choses de mon point de vue, il se serait rendu compte que je ne pouvais jamais sortir jouer, que je devais rester à l'intérieur avec ma grand-mère. Il avait le droit d'avoir des amis parce qu'elle ne faisait pas attention à lui. Il pouvait faire des crises de rage. J'imagine qu'entre une mère qui ne nous donnait pas d'amour et ne tenait pas à nous, et un père dont on ne parlait jamais, il devait avoir l'impression qu'au bout du compte, nous n'avions jamais cru que les pères existaient vraiment. Nous n'avions pas la moindre notion de ce que pouvait être l'unité familiale. En grandissant, nous sommes devenus un peu dingues, nous étions mal armés pour affronter le monde réel. Cependant, ma grand-mère vivait dans un monde parallèle sur lequel elle régnait, un monde si prenant que je pouvais exister en créant mon propre univers de la même manière. Pour se créer un véritable monde qui lui appartienne, Stewart, mon frère, a dû se marier parce que c'est ce qu'avaient fait ses amis. Il a épousé la première fille qu'il a rencontrée, de la même manière que j'ai baisé la première fille qui passait, l'ai engrossée et me suis retrouvé à vivre avec pendant 15 ans. Je me suis marié aussi, mais je n'ai jamais laissé la normalité s'installer complètement autour de moi. j'ai réussi à créer, du moins à ma manière foireuse, un environnement dans lequel je pouvais me déchaîner. J'ai vraiment essayé. Stewart ne pouvait pas faire ça. C'était une victime, et j'en viens seulement aujourd'hui à me demander s'il n'en garde pas une certaine amertume, bien qu'il se soit fait une raison. C'était un universitaire brillant. Il avait une soif de savoir incroyable, il engloutissait les encyclopédies, et je l'ai toujours admiré parce que j'étais le pire des cancres. Je refusais d'apprendre quoi que ce soit. Dès le premier jour d'école, plus j'étais mauvais, plus j'étais content. J'étais au bas de l'échelle et fier d'y être. En fait, c'était difficile de rester au fond du panier. J'étais tellement snob, j'ai vraiment merdé dans ces écoles. Je refusais d'apprendre quoi que ce soit, je refusais de me soumettre à quelque autorité que ce soit, et je refusais de porter correctement l'uniforme. Je me donnais beaucoup de mal, j'ai par exemple décousu l'écusson de ma veste pour le recoudre à l'envers, parfaitement à sa place. Cette opération m'a pris une soirée entière sous le regard de ma grand-mère, qui n'avait que des éloges pour mes merveilleux talents de couture. Elle trouvait que ça faisait bien. J'étais encouragé à être un affreux, excepté aux yeux de ma grand-mère. Mon frère n'a pas vécu tout ça, et il n'avait ni père ni mère. Je suis en noir, je suis noir, jazz à Paris, Paris c'est le jazz. À des mille demain, la trompette m'a dit, ce jazz c'est Paris, Paris c'est le jazz. Le jazz c'est Paris, Paris c'est le jazz. J'étais noir à Paris, tu étais noir, jazz à Paris. Le jazz c'est Paris. Tracing back my steps in time, all I do is think about you, Charlotte, and the love I left behind. I first saw Paris in Soho when I was 13, sitting on a coffin drinking coffee. I wore black on black with negative feelings. I often go to Paris to live yesterday, tomorrow, because Paris is a place of dreams. Françoise Hardy, tous les garçons et les filles, Juliette Gréco, Jeanne Moreau, and Catherine Deneuve. And I'm walking with Eric Satie along the boulevards of Paris in the springtime. An orchestre l'oiseau every so often breaks this map of feelings, drifting through these landscapes of love, watching strays from Père Lachaise. Can you hear the cats purr? Their master stone against their velvet fur. Girls, girls who travel the metro, stroking white mice they carry in their pockets, lost in a daydream, daydreaming to be loved by someone, hurdling myself down into the metro. A train of Latin and African percussion turns my day tonight. The rhythm of life, the constant arguments between lovers. He wants to listen to the news, she wants to listen to the music. Laisse-moi cette tranquille, tiens, j'en ai marre. Pour l'instant, l'importance de la superficie est là. On a cherché. Je peux m'en mettre ? Ouais, vas-y. C'est bon, c'est froid. Mon beau-père était un peu débile, pour être parfaitement honnête. C'était une bonne âme, bien que l'éducation de ma grand-mère m'ait incité à le détester et à voir ma mère comme une grande sœur qui aurait mal tourné. C'est un schéma que j'ai répété plus tard dans ma relation avec mon propre fils et tu ne t'en rends pas compte, jusqu'au jour où quelqu'un se pointe et ouvre la porte de tous tes secrets. Je n'ai absolument pas peur de l'avenir. C'est une attitude d'une telle irresponsabilité que la plupart des gens me détesteraient pour ça. Est-ce que tu crois que je me projette plus d'une heure dans le futur ? Honnêtement, John, je ne le fais pas. C'est une attitude épouvantable, celle d'un gamin pourri gâté. Ne jamais s'inquiéter de rien. Ne jamais en faire qu'à sa tête. C'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je peux jouer au chat et à la souris. C'est grâce à ma cruauté dans laquelle je me complais. J'aurais pu être un général d'une grande cruauté dans l'armée de Napoléon, un stratège de poids. Je m'en rends compte à présent. Ça me fait assez plaisir d'être un de ces adultes raffinés que j'ai détestés durant toutes ces années, tant que ça ne me coupe pas la libido. C'est la seule chose que je craigne. J'ai été complètement téléguidé, je me suis fait entuber, ça m'est égal. Avant, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne voulaient pas être exploités. Moi, j'attends qu'une fille vienne m'exploiter. Je veux bien qu'on me manipule et qu'on m'utilise. Ça ne me gênerait même pas qu'on abuse de moi un peu. C'est une forme de reconnaissance de ton existence. Les Anglais détestent cette idée, c'est pour ça qu'ils ne supportent pas le succès, parce que le succès est indissociable de l'abus. Il est lié au fait d'être exploité et utilisé. Les Anglais sont une race si vaniteuse qu'ils ne supportent pas l'humiliation. La plupart des races s'en moquent. Au final, on se rend compte qu'ils baissent beaucoup plus à cause de ça aussi. Ils adorent les sévices. Ici, on en fait une affaire telle qu'elle se déroule derrière des portes closes à un certain prix. Des films comme Scandale qui veulent passer pour sexy sont une blague. On y voit le portrait pathétique de Stephen Ward qui avait l'air d'avoir quelque chose de pas net dans le sang, que Dieu ait de l'Angleterre si ce n'était pas le cas. Il apparaissait comme une figure tragique, pathétique, dès que tu voyais la putain de sale gueule de John Hurt qui ne véhicule pas un gramme de rébellion. J'ai détesté le film à cause de ça. À la même époque, j'ai travaillé 3 semaines comme documentaliste dans un cabinet de comptable sur Devonshire Street, voisin de la clinique ostéopathique de Stephen Ward. Je jetais les dossiers à la poubelle et ils m'ont viré, mais pendant les 3 semaines où j'y ai travaillé, le laitier me racontait ce qu'il s'y passait. C'était comme dans un film de Norman Wisdom. Un jour, j'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai sonné. J'ai fait semblant de m'être trompé d'adresse, juste pour jeter un coup d'œil. Bien sûr, je n'ai rien pu en tirer. Tout était étonnamment simple, mais ses lunettes et les vêtements qu'il portait étaient très à la mode. Il était incroyablement beau. Rien à voir avec John Hurt. C'était un homme sophistiqué, aucun rapport avec le portrait qu'ils en avaient fait. Je ne pense pas qu'il ait eu le genre de relation qu'on lui prêtait Christine Keeler. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que Christine Keeler était tout simplement furieuse parce qu'il ne l'a pas baisée. C'est tout, il était gay mec, fin de l'histoire. C'était un dandy gay flamboyant. Bien qu'il ait probablement mûri, comme souvent les jeunes gays entourés de copines du genre fille à péder, dont Christine Keeler faisait certainement partie. Je doute que le MI5 ait été assez organisé à l'époque pour le tuer. Je pense qu'il s'est senti vraiment trahi par ses amis snobs. Il ne s'est pas tué pour Christine Keeler, je pense qu'il s'est tué parce qu'il ne pouvait plus avoir ce genre d'amis. Le snobisme, c'est effrayant mec, ça tue tout le monde. Écoute, je me fiche pas mal de ce que les gens pensent de ma grand-mère. C'était peut-être une folle perverse, et alors ? Avant de mourir, ma mère m'a tenu de sacrés discours à propos de ma grand-mère. Elle accusait ma grand-mère du même crime que je me vois aujourd'hui imputé par Johnny Rotten. Selon elle, c'était la femme la plus maléfique du monde. Elle en était loin. C'était une femme qui s'était créé son propre univers et les autres devaient vivre dedans ou vivre sans. Son monde était bien meilleur que celui dans lequel nous vivons il avait beaucoup plus d'âme et de passion. C'était un monde assez inventif, mais qui avait du lustre, il brillait. J'y tenais, parce que c'était le monde qui me protégeait. Marilyn Monroe ain't got no rock and roll, ain't got the means to make a scene. Everybody pees on Paris, watch me now. There's no doubt in Paris, yeah, there's a girl I dream of seeing everywhere. This way, that way, up against the wall. Voices scream, a map of feelings. Everybody loves a Paris lost somehow. There's no doubt that ruins, yeah, are places to daydream. But something's in the air, drifting through these landscapes of love, listening to a voice from above, wondering who she's thinking of. In moments of love, one, two, three, four, on familiar weekends, ever changing in the ruins that you saw before. There's no doubt in Paris, yeah, there's a girl I dream of seeing everywhere, on countless walls, thousands of mouths. Paris embarrasses, encourages, and vanishes right through that door. Yeah. There's no doubt that ruins, yeah, are places to daydream, but something's in the air. Drifting through these landscapes of love, listening to a voice from above. This is a place where you can find many more of my kind. Drifting through these landscapes of love, listening to a voice from above, wondering who she's thinking of. Ain't got the means to make a scene. Everybody pees on Paris, watch me now. There's no doubt that ruins, yeah, are places to daydream, but something's in the air. Drifting through these landscapes of love, listening to a voice from above. This is a place where you can find many more of my kind. Drifting through these landscapes of love, listening to a voice from above, wondering who she's thinking of. Vous voyez, Chrissy Hynde est un peu une version américaine et plus jeune de Vivienne Westwood. Elles sont du même genre, solides, concentrées et très têtues. C'est génial vraiment, même si je n'arrive pas très bien à communiquer avec elles. Elles me voient comme un horrible macho. Of you. to live like